à la Mac. Mon ami, mon roi, mon homme, je vois ton blanc mange, mon Alain, mon copain. Tu es généreux, car vois-tu, le sais-tu seulement, tu n'es pas homme à prendre. Achète-moi, Alain. Rachète-moi. Je ne suis pas si mal, après tout. Je ne coûte que peu. Alain. Alain. Alain, homme de conseil, avisé et solide. Aide encore les gens, Alain. Mink, tu es gentil. Alain Mink, ton cœur est pur. Mink, Alain Mink, tes choix sont sûrs. Mon Alain. Alain Mink. You is the guy, tu es l'homme.